la jalousie, pire la haine. Pour le nouveau membre SHOWL APIN. Et après tout on me reproche quoi de vouloir monter. Ceux qui n'ont rien à m'apporter sont les premiers à jacter. Et je dis qu'on peut pas m'en vouloir si aujourd'hui j'ai plus envie de squatter les halls et les bancs de ma tessie. C'est bon, j'ai déjà donné dans la bicrave de Dynam. J'ai vu assez de potes partir en couille sur le macadam. La vie une pute et moi je la baisse sans la payer. La société une salope à elle de me payer. Une fois mon album dans les bacs mamie, je m'attends à perdre des amis, à compter par milliers mes ennemis. Le rat en premier plan dans mes tournées. La sécurité les fait monter, ensuite on les fait tourner. Tu connais mon label et son logo. Lapin, coupe de champagne, un putain de cigare et un starco. Jalouse moi pendant que t'as raté par 12 mois. Un album dans les bacs préparé en plus de 12 mois. Compare pas à tous les squats, en meuble 12 mois. Je veux du flouze, ça vend de 12, dites pas 12 quoi. Jalouse moi pendant que t'as raté par 12 mois. Un album dans les bacs préparé en plus de 12 mois. Compare pas à tous les squats, en meuble 12 mois. Je veux du flouze, ça vend de 12, dites pas 12 quoi. Kibla est au micro, ce qu'était au foot, pas c'est le poli. Normal qu'il y ait de la jalousie, mais quand même c'est de la folie. Ici les tensions montent et malgré ça je reste poli. Leur tasse pêche pour les groupies, je dégoupille les baisses au lit. Et mani, j'ai grillé leur man et j'ai leur manie. Je fais le ménage au micro comme un mafioso en Italie. Ma chérie, demande pas c'est qui. C'est qui Kibla pour les 12 cuisses et puis les toclis. Clic clic, mec, je à vue sur les junkies. Les jaloux aussi sont dans ma ligne de mire et je parie que les lampes de pute ont déjà parlé sur mon produit. Kibla pour le beurre, à qui j'ai confié mon produit. Jalouse moi pendant que t'as raté par 12 mois. Un album dans les bacs préparé en plus de 12 mois. Compare pas à tous les squats en meuble 12 mois. Je veux du flouze, ça vend de 12, dites pas 12 quoi. Jalouse moi pendant que t'as raté par 12 mois. Un album dans les bacs préparé en plus de 12 mois. Compare pas à tous les squats en meuble 12 mois. Je veux du flouze, ça vend de 12, dites pas 12 quoi. Une fois exposé sous les feux des projecteurs, les chacteurs sont là par milliers, constatent la moindre erreur. J'entends déjà les trous de balles du haut de ma capitale. Ouah, laisse tomber Kibla, c'est du commercial. J'aimerais leur poser la question qui fait le plus de mal. Celui qui vend les disques ou bien celui qui va dealer de la cam. C'est vrai, j'en ai chié, trimé, galéré. J'ai vu les portes se fermer, mon rêve partir en fumée. Et tu me craches à la gueule et ça me fait bander. Ça me donne plus de pêche pour réussir et puis me casser. Un franc parleur pour tous les faux parleurs. Un mec toujours à l'heure mais qui m'a parlé d'être un haut parleur. Ah ouais c'est vrai, toi tu représentes le hip hop. Moi je représente ma zik avec des samples de pop pop pop pop. Populaire comme la carrière à Gainsbourg. Fonce des whisky, de la Coca-Cola comme chaque soir. Jalouse moi pendant que t'as raté par 12 mois. Un album dans les bacs préparé en plus de 12 mois. Compare pas à tous les soirs en double 12 mois. Je veux du flouze, ça vend de 12, dites pas 12 quoi. Jalouse moi pendant que t'as raté par 12 mois. Un album dans les bacs préparé en plus de 12 mois. Compare pas à tous les soirs en double 12 mois. Je veux du flouze, ça vend de 12, dites pas 12 quoi. Jalouse moi pendant que t'as raté par 12 mois. Un album dans les bacs préparé en plus de 12 mois. Compare pas à tous les soirs en double 12 mois. Je veux du flouze, ça vend de 12, dites pas 12 quoi. Jalouse moi pendant que t'as raté par 12 mois. Un album dans les bacs préparé en plus de 12 mois. Compare pas à tous les soirs en double 12 mois. Je veux du flouze, ça vend de 12, dites pas 12 quoi. Et qui là? Toi. Ouais. Oh, ils me font déplaner avec leurs conneries. Je vais me mettre un truc un peu plus pour moi, là. Oh, elle est bonne. Oh, putain. Ah ouais. Oh, Sinatra, Dean Martin, César's Palace, Las Vegas. Yeah. Alors, Jeffrey. Yo, ma man, comment ça va? Oh, ça me baigne d'enfer, okay. Là. Ouais. Alors, yo. Tu passes pas les sons du show d'impro là ou quoi? Je les ai passés, j'arrête pas de les passer. Attends, je me fais un break pour ma musique à moi là, votre musique de nerd. Jeffrey, je te paye pourquoi, Jeffrey? Je te paye pour être dans ma radio, animer ma radio show lapin et te passer show du show lapin. Yo, sois cool, arrête le cristal pour un tarpé. Je t'ai dit, j'en voulais pas, Jeffrey. Jeffrey, tu sais quoi, je vais te dire un truc. Ouais, dis-moi, je t'écoute. T'es viré. Moi viré? T'es viré. Moi viré? Tu plaisantes, tu plaisantes, ta radio c'est moi. Ta radio c'est moi. C'est rien du tout. Ta putain de radio, le micro, il me voit le matin, il m'embrasse. Ah ouais? Ah ouais. Pourquoi, Jeffrey, t'as de la chance, t'es un grand du quartier, je te respecte. Franchement, arrête. Je te fous le micro dans la gueule ou dans le cul. Arrête, tu me rends fou là, arrête. J'ai tout pété. Attends, tu sais quoi? Viens, on se calme, on va dans une bonne soirée. On va bien boire, bien fumer. Pour l'instant, t'es viré juste pendant 2 mois et après, ça ira mieux. 2 mois? C'est rien, vas-y, viens. On fait une soirée de 2 mois? Une bonne soirée. T'as des nerfs d'acier. Une bonne soirée, chérie. Viens avec moi, Jeffrey. Viens, d'accord. Enculé, celui-là. Ouais, mais t'es viré demain.